الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها الصائمون عنوان هذه الخطبة صيام الجوارح والمقصود هنا بصيام الجوارح وحفظها من كل قول أو فعل محرم يؤدي إلى تقليل أجر الصائم وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأقوال والأفعال المحرمة تنقص من أجر الصائم فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري ونسبة الصيام هنا للجوارح هو من باب نسبة الفعل إلى جارحة الفاعل لأنه هو الذي قام بهذا الفعل ووقوع الجوارح هنا في المحرمات ليس من المفطرات الحسية للصائم ولهذا يقول أهل العلم إن هذه المعاصي تؤدي إلى نقصان أجر الصائم ولا تفطر وكان الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك من الكذب والمأثم ودع للخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء رواه ابن أبي شيبة شخص عباد الله craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran « Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. » Chers jeûneurs, le titre de ce discours « Le jeûne des membres du corps » et ce que nous voulons dire par le jeûne des membres du corps, c'est leur préservation contre tout acte ou toute parole interdit qui mène vers une diminution de la récompense du jeûneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que les actes et les paroles illicites diminuent la récompense du jeûneur. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui ne laisse pas le mensonge, sa mise en pratique et l'ignorance, Allah n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et sa boisson » rapporté par l'imam Bukhari. Et en liant le jeûne aux membres du corps, c'est le fait de lier un acte aux membres de l'auteur de ce même acte, car c'est lui qui l'a accompli. Et le fait que nos membres tombent dans les interdits ne fait pas rompre le jeûne, mais cela diminue la récompense du jeûne. Jabir ibn Abdillah, radiallahu anh, le célèbre compagnon, il dit « Lorsque tu jeûnes, tes oreilles, tes yeux et ta langue doivent jeûner et s'abstenir de mentir et de faire des péchés. Ne fais pas de mal au domestique si tu en as un, et sois serein et respectueux toute la journée, et fais en sorte que les jours où tu jeûnes soient différents de ceux où tu ne jeûnes pas. » Ayyuhal mu'min. Awalan, siyamul lisan. Siyamul lisani huwa man'uhu min al-qawli al-muharrami sawa'un fi nahari ramadan athna' as-siyam aw fi al-layl ba'da iftar as-sa'im. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة اللسان على صيام المسلم بقوله من لم يدع قول الزور والمقصود بقول الزور هنا هو كل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية حفظ الصيام من كل قول محرم يخل بهذا الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم. متفق عليه. وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن الإنسان محاسب على كل كلمة يقولها، فقال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقيب هو ملك يراقبه، وأما العتيد أنه حاضر معه، كما نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهمية حفظ اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. متفق عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله كلاما هاما في كتابه رياض الصالحين، وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يطبق في كل الأوقات وخاصة في شهر رمضان. يقول رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. شكرا. Premièrement, le jeûne de la langue. C'est le fait d'empêcher sa langue de prononcer toute parole interdite pendant la journée du Ramadan et la nuit après la rupture du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cela dans le hadith que nous venons de citer, où il dit: celui qui ne laisse pas qawl az-zour. Qawl az-zour, souvent on le traduit par le mensonge, mais c'est plus vaste que cela. Et le sens de qawl az-zour est toute parole qui dévie de la vérité, comme le mensonge, la diffamation, l'insulte, la médisance, la calomnie, et pire encore, le faux témoignage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la grande importance de protéger notre jeûne de toute parole illicite qui viendrait polluer cette adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix. Et si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat, qu'il se contente de dire: je suis en état de jeûne, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a montré que l'homme aura à rendre des comptes sur chaque parole qu'il aura prononcée ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Qaf: il ne prononce pas une parole, c'est-à-dire l'homme, sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc c'est l'ange qui inscrit les bonnes et les mauvaises actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avisé de faire attention à nos paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui me garantit ce qu'il y a entre sa mâchoire, c'est-à-dire sa langue, et entre ses jambes, c'est-à-dire son sexe, je lui garantis le paradis, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah, le très célèbre imam, il dit une parole très importante dans son livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, et une parole qu'il faudrait appliquer dans toute notre vie, et plus précisément pendant le mois du Ramadan. Il nous dit, rahimahullah: sache que tout homme légalement responsable se doit de tenir sa langue, dès lors que la parole ne présente pas d'intérêt. Et si parler ou se taire sont au même niveau, il vaut tout de même mieux s'abstenir de le faire, car une parole tolérée risque d'en entraîner d'autres qui, elles, seraient interdites ou blâmables, comme c'est le cas de la plupart des conversations. Et il nous dit à la fin: mieux vaut donc se taire, car la sécurité n'a pas de prix. Ibad Allah. ثانيا صيام العينين. صيام العينين يكون بامتناعهما عن النظر لكل ما هو محرم من عورات لا تحل أو نساء متبرجات أو نظر امرأة لرجل بشهوة أو غير ذلك، فإن وقع المسلم في شيء من ذلك فإن ذلك ينقص أجر صيامه. وقد نبه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نسب الزنا إلى العينين عند النظر إلى ما هو محرم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب على زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، متفق عليه. وسمي النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي عياذا بالله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ومن هنا يتبين الخطأ الواضح من الذين يكون أمام شاشة التلفاز متابعين البرامج والمسلسلات والمناكير والشر وإن ما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكذا يحرم على المسلم استماع الأغاني في نهار رمضان وفي غير ذلك من الأيام، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. Chers musulmans, troisièmement, le jeûne des oreilles. Le jeûne des oreilles consiste à les préserver d'écouter des paroles illicites, comme les paroles se moquant d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam, des adorations de l'islam, également la médisance, la calomnie, la musique, etc., etc. Et la preuve que cela diminue la récompense du jeûneur, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: celui qui ne laisse pas le mensonge, sa mise en pratique et l'ignorance, Allah n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et sa boisson. Et personne ne doute que le fait d'écouter l'illicite fait partie de l'ignorance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a interdit d'écouter l'illicite. Il dit: et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent. Et il dit dans un autre verset: qui est les croyants qui se détournent des futilités? Et il dit également: lui, la vue et le cœur, tous, lui, la vue et le cœur, tout cela en vérité sera interrogé auprès d'Allah. Quant aux musulmans et à la musulmane qui se trouve dans un endroit où les gens médisent, où les gens calomnient, il y a deux solutions. La première solution: soit tu défends l'honneur de ton frère ou de ta sœur en interdisant de médire et de calomnier à son sujet. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui défend l'honneur de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala préservera son visage du feu le jour de la résurrection, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Et s'il ne peut pas le défendre, si le musulman ne peut pas défendre l'honneur de son frère ou l'honneur de sa sœur, il faut obligatoirement qu'il quitte cette assise, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Comme il est également aux musulmans d'écouter de la musique, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari: il viendra des gens, c'est-à-dire dans le futur, de ma communauté, qui vont déclarer licite la fornication, le port de la soie pour les hommes, et la consommation du vin et les instruments de musique. Et il va dire quoi le صيام اليدين وامتناعهما عن فعل الحرام من أخذ المال الحرام أو تناول المشروب أو المطعوم المحرم أو البطش وإلحاق الأذى بالآخرين وغير ذلك مما يفعل باليد. وصيام الرجلين فبمنعهما من السير إلى الأمور المحرمة أو إلى الأماكن المحرمة. وقد نبه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل، رواه أبو داود. Quatrièmement, chers frères et sœurs, le jeûne des mains et des pieds. Il consiste à préserver les mains de tout acte interdit, comme le fait de toucher une chose illicite, ou bien consommer une boisson ou un aliment illicite, ou frapper quelqu'un, ou bien lui causer du tort, ou toute autre chose qui est faite avec les mains. Quant au jeûne des pieds, c'est le fait de les préserver de marcher vers une chose illicite ou un endroit illicite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela en disant: les deux mains forniques et leur fornication et le toucher, et les deux pieds forniques et leur fornication et le fait de marcher, et la bouche fornique, et cela par le plaisir, rapporté par Abu Dawud. Ibad Allah. Khamisan, siyam al-qalb. والقلب يصوم كذلك. صيامه يكون أولا بالنية الخالصة لله في الصيام، بحيث تصوم لله وحده لا شريك له، لا تصوم لأن الناس يصومون، ولو أفطروا لأفطرت معهم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وصوم القلب ثانيا عن المحرمات التي لا ترضي الله تعالى من كبر وحسد وغل وحقد على أحد من المسلمين. مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، متفق عليه. وكذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه الإمام مسلم. Chers serviteurs d'Allah, cinquièmement, le jeûne du cœur. Car le cœur également jeûne. Premièrement, on fait jeûner notre cœur en possédant en lui l'intention sincère de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. On ne jeûne pas parce que les gens jeûnent. Et s'ils n'avaient pas jeûné, nous n'aurions pas jeûné également. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Et le cœur jeûne également des choses illicites qu'Allah déteste, comme l'orgueil, la vanité, la jalousie, la rancœur, la haine envers un musulman ou une musulmane. Donc si le cœur possède en lui ce type de péché, ces derniers font diminuer la récompense du jeûne. Vous remarquerez que le jeûne également, parmi ses sagesses, le fait de regrouper les musulmans, du fait qu'ils jeûnent tous au même moment, qu'ils prient ensemble et jeûnent du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, ils font la Eid ensemble. Donc le jeûne, sont parmi ses buts, est de rassembler les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les choses illicites que le musulman peut porter dans son cœur envers ses frères musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne rompez pas vos relations, ne vous tournez pas le dos, ne nourrissez pas de haine envers vous, ne nourrissez pas de haine entre vous, ne vous enviez pas les uns les autres et soyez des serviteurs d'Allah et des frères. Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère plus de 3 jours, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également mis en garde contre l'orgueil, Al-Kibr, en nous disant: n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Un homme dit alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam: pourtant, l'homme aime porter de beaux vêtements et de belles chaussures. Donc il a pensé que cela faisait partie de l'orgueil d'embellir donc son apparence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Allah subhanahu wa ta'ala est beau et il aime la beauté. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens, rapportés par l'imam Muslim. Ayyuha al-ikhwat al-kiram, هناك سؤال ينبغي أن يتساءله كل صائم وكل صائمة: هل حفظنا صيامنا من كل ما يخل به أو ينقص من أجله؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رواه الإمام أحمد. ونعوذ بالله أن كنا من هؤلاء. ولا يخفى على كل مسلم وكل مسلمة أن الله تبارك وتعالى قد فرض علينا الصيام وأمرنا به من أجل أن نكون من المتقين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإن أصبحنا من المتقين سيتقبل الله سبحانه وتعالى صيامنا. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. شخص Il faut que chaque musulman et chaque musulmane se pose une question. Cette question est: avons-nous préservé notre jeûne de tout ce qui l'entache et fait diminuer sa récompense? Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: beaucoup de jeûneurs ne récoltent que la faim et la soif. Et de nombreux prieurs la nuit ne récoltent que la veillée, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune récompense. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed. Chers musulmans, chaque musulman sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le jeûne obligatoire et nous a ordonné de l'accomplir afin que nous fassions partie des pieux et des vertueux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat al-Baqara: ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. Et si nous atteignons la piété, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera notre jeûne. Voyez l'effet qu'il y a entre toutes ces choses-là. par le jeûne, nous atteignons la piété, et la piété nous aide au fait que notre jeûne soit accepté du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte les actes que des pieux. Sallallahu ta'ala an yahfadha siyamana min kulli ma yukaddiru. Allahumma ihfaz siyamana min kulli ma yukaddiruhu ya rabbal alamin. Allahumma man arada an yufsida alayna siyamana Allahumma ashghilhu bi nafsi. Allahumma ashghilhu bi nafsihi wa rudd kaydahu fi nahrihi ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardha fi hadha ash-shahr al-mubarak. Allahumma waffiqna lis-siyam wal-qiyam wa li-itmam as-siyam ya rabbal alamin. اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعل كل ذلك إيمانا واحتسابا فتغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا ومنه ما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعواتهم: الصائم حتى يفطر, والإمام العادل, وكذلك دعوة المظلوم. فأنتم صائمون فادعوا لإخوانكم الذين ابتلوا في هذه الأيام, ادعوا لإخوانكم في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي سائر بلدان المسلمين الذين ابتلوا ببلاءات في هذه الأيام المباركة.